Voici Ella Fitzgerald qui sera accompagnée par Tommy Flanagan, Billy Hansen et Gus Johnson, the first lady of song, Lady Fitzgerald. Merci beaucoup.